Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, à l'émission, eh bien, on aura une nouveauté du groupe polonais Millennium. On a Parlind Project de la Suède. On va entendre aussi Cosmos de la Suisse, Philelmon de la France, Ring van Möbius de Norvège, Kwasi d'Argentine, Rétrospective de Pologne, Timelight des États-Unis et une nouveauté aussi du Canada avec Rick Miller. Alors, comme à l'accoutumée, on a notre rendez-vous hebdomadaire pour l'album de la semaine. Et aujourd'hui, eh bien, on aura le groupe polonais Millennium. Millennium qui, depuis 1999, nous a proposé 16 albums studio. Et le plus récent, mais c'est The Sin qui est paru il y a quelques semaines. Et cet album-là, ben, il contient 7 pièces avec un total de 48 minutes. Et pour l'occasion aujourd'hui, j'ai extrait 3 morceaux de cet album-là, et on va entendre Pride, Gluttony et Envy. C'est un album qui contient 7 pièces, et ça, c'est dédié en général, pas en général, mais en détail, pour les 7 péchés capitaux. Alors, on y va avec Millennium. Come on. ask you for the fall. Pride comes before the fall. Thank you. of my life. It feels like falling. Strangers around, these funny sounds. I'm in love with the world, I'm kissing you all. Where is my vodka and gin? Never let you go. interview with kids and family, but there was not a place for me. To myself, no more. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant de débuter le deuxième bloc, j'aimerais faire un petit retour en arrière. Et avant la pause, eh bien, on a entendu dans le bloc 1 trois extraits du nouvel album de Sin du groupe polonais Millennium. Alors, on va aller du côté de la Suède maintenant avec Parlind Project. C'est un groupe qui a été actif surtout entre 1994 et 2011. C'est un claviériste qui est de l'école de Keith Emerson. Alors, vous allez probablement aimer, si vous aimez Emerson, Lake and Palmer, vous allez probablement aimer Parlind Project. C'est un musicien aussi, claviériste, qui s'est associé pour quelques-uns de ses albums avec des musiciens de Angler Guard et de Flower Kings, notamment. Ensuite, on va aller en Suisse avec Cosmos. C'est un groupe dont on a fait jouer quelques extraits récemment. Et on reprend ça aujourd'hui avec Lost Years. Ça, c'est extrait de Mind Games. Et on va conclure avec un groupe néerlandais. Alors, je corrige ici un petit peu parce qu'au début de l'émission, j'ai mentionné que Philelmon était un groupe de la France, mais je dois corriger le tir et mentionner que c'est un groupe des Pays-Bas. Alors, Philelmon a une carrière quand même assez récente, 2 albums en 6 ans. Le premier en 2012 qui s'intitule « Enjoy It While It Lasts » et on va entendre la pièce « In the Forest ». Alors, on y va tout de suite avec Parlind Project. Thank you. a meeting lifelong. No compensation by a government, just teasing the end. Last is a nightmare you came through. I'm guilty in prison, trained as no crew. Oh, Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Un petit retour en arrière pour décrire ce qu'on a entendu avant la pause. Eh bien, on avait le groupe néerlandais Philelmon et la pièce « In the Forest », ça s'est tiré de l'album « Enjoy It While It Lasts ». Ça a été précédé de « Cosmos » de la suite avec la pièce « Lost Years » tirée de « The Mind Games ». Et en début de bloc, on avait de la Suède « Parlin Project » et la pièce titre de l'album « Time Mirror ». Bon, maintenant, on va du côté de la Norvège avec un musicien qui a quand même fait une très bonne impression lors de la parution de son premier album en 2018. Et j'ai nommé Ring van Möbius. L'album de 2018 s'intitulait Past the Evening Sun. Et il nous revient cette année avec un deuxième album qui a aussi une très bonne cote d'appréciation. L'album s'intitule The Third Majesty. Pour l'émission aujourd'hui, j'ai décidé de couper un peu la pièce de 16 minutes de « Seven Movements of the Third Majesty ». Ça, c'est pour cadrer avec la durée du bloc. Et on aura Kwasi tout de suite après. C'est un nouveau groupe d'Argentine qui nous propose un album de 8 morceaux. L'album s'intitule « Marias » et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est « Amapolas ». Et en fin de bloc, on aura Togs. C'est un groupe italien qui a sorti un album seulement en 2013, et l'album s'intitule Europa Minor, et je vous ai tiré de cet album-là la pièce Il Piento. Alors, on y va tout de suite avec Ring van Möbius.

Incuriosita e il suo angolo di cielo per amore gli donò. Quegli occhi come il mare, le bianche sue ve le spiegò. Lei accogliendolo nel seno come un caldo fiume in piena, del suo pianto sospirò. Hello. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Avant d'amorcer le quatrième bloc de l'émission, on va faire un petit retour avant la pause. C'était Togs, un groupe italien, et on a entendu la pièce Il Pianto, tirée de l'album Europa Minor. Ça, c'est paru en 2013. Et auparavant, on avait le groupe argentin Quasi et la pièce Amapolas. Ça, c'est tiré de l'album Marias, qui est paru en 2020. Et en début de bloc, on avait de la Norvège Rigvan Mobius et un extrait de la pièce The Seven Movements of the Third Majesty. Ça, c'est tiré de l'album The Third Majesty. Alors, nous voici donc rendus au quatrième bloc et dernier bloc de l'émission. Et on aura pour débuter une formation américaine du nom de Time Light. C'est un groupe assez récent qui est fait dans le crossover, donc quelque chose d'assez abordable. Et ils ont débuté en 2016 avec un album homonyme et ils reviennent cette année avec Cella. Et la pièce qu'on a extraite de cet album-là, c'est The Goddess Liberty. Et on va conclure avec Rick Miller, qui est un habitué d'émission. On lui connaît déjà 15 albums studio, dont deux cette année. Alors, il est très prolifique. Et le deuxième qui est paru récemment, c'est Unstuck in Time. Et la pièce que j'ai tirée de l'album, c'est The Plague. Alors, on y va tout de suite avec Time Light. Descending to the ochre torch from orbit is the milk of life we draw from the sun. Are we undone? To analyze the sensor's eyes, to computize the flow, to know the emanations come from the sun. Are we undone? IBM DCC LX XV July IBM DCC LX XV July IBM DCC knowledge of the priestess is a tower, not a pyramid, and now the heat is seeping away. What can be done? beneath the surface is the vault of thought that we consult in service to her work every day. What can be done? Of the tablet in anticipation of the answer learned from this day. Whisper as one. And so the calibrations fall upon the road endeavors of the priestess acolytes as we pray. Whisper as one. Into the sea, what have we done? Like dust to dust, our atmosphere returns to murky haze, our brief ascendance here, a pale memory. What have we done? Thank you. I live with my family in Kankakee. The year 1665. The son of the gravedigger gave me a tray. A shilling a grave kept us alive. Of the